السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، le cours d'aujourd'hui est donc le troisième cours sur la lecture de cette épître très bénéfique sur les vertus et les mérites de la religion de l'islam, écrit par le noble Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullah. Et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous aider et de nous accorder la réussite. Donc l'auteur a dit rahimahullah: المثال الثامن، le huitième exemple، ما جاءت به الشريعة من إباحة الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وغيرها. La législation a autorisé et déclaré licite les bonnes choses, parmi les aliments, les boissons, les vêtements, les mariages et autres. فكل طيب نافع فقد أباحه الشارع من أصناف الحبوب والثمار ولحوم الحيوانات البحرية مطلقا والحيوانات البرية ولم يمنع من هذا إلا كل خبيث ضار على الدين أو العقل أو البدن أو المال. Et donc, toute bonne chose bénéfique a été autorisée par le législateur, parmi les sortes de grains, de fruits, de toutes les viandes provenant de la mer, ainsi que des viandes des animaux terrestres, et l'interdit que ce qui est impur et nuisible pour la religion, la raison, le corps ou les biens. فَمَا أَبَاحَهُ فَإِنَّهُ مِنْ إِحْسَانِهِ سُبْحَانَ وَمَحَاسِنَ دِينِهِ وَمَا مَنَعَهُ فَإِنَّهُ مِنْ إِحْسَانِهِ حَيْثُ مَنَعَهُمْ مِمَّا يَضُرُّهُمْ وَمِنْ مَحَاسِنِ دِينِهِ حَيْثُ إِنَّ الْحُسْنَ تَابِعٌ لِلْحِكْمَةِ وَالْمَصْلَحَ وَمُرَاعَةِ الْمَضَارِ. Ainsi, tout ce qu'il a autorisé fait partie de sa bienfaisance, subhana, et des mérites de sa religion. Et tout ce qu'il a interdit fait également partie de sa bienfaisance, et ce, car il leur a interdit ce qui leur est nuisible. Et cela fait également partie des vertus de sa religion, et ce, car les bonnes choses suivent la sagesse et les intérêts, et prennent également en considération les nuisances. وكذلك ما أباحه من الأنكحة وأن للعبد أن ينكح ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع لما في ذلك من مصلحة الطرفين ودفع ضرر الجانبين. De même, ce qu'il a rendu licite comme mariage, ainsi que la permission pour le serviteur de se marier avec deux, trois ou quatre femmes, et ce, pour ce que cela comporte comme intérêt pour les deux parties, et également pour la nuisance que cela repousse d'eux. وَلَمْ يُبِحْ لِلْعَبْدِ الْجَمْعَ بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرِ لِمَا يَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الظُّلْمِ وَتَرْكِ الْعَدْلِ. Et il n'a pas autorisé aux serviteurs de rassembler entre plus de quatre épouses, et ce, pour ce que cela implique comme injustice et comme délaissement de l'équité. مَعَ أَنَّهُ حثه عند خوف الظلم وعدم القدرة على إقامة حدود الله في الزوجية على الاقتصار على واحدة حرصا على نيل هذا المقصود. Il a encouragé celui qui craint l'injustice et qui n'a pas la capacité de respecter les limites d'Allah dans le mariage à se contenter d'une seule femme afin d'obtenir cet objectif. وكما أن الزواج من أكبر النعم ومن الضروريات فإباحة الطلاق كذلك خشية عيشة الإنسان مع من لا تلائمه ولا توافقه واضطراره للبقاء في ضنق الحال وشدة العسر وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. Et certes, tout comme le mariage fait partie des plus grands bienfaits et des nécessités, eh bien, l'autorisation du divorce, par crainte que la personne ne vive avec quelqu'un qui ne lui convient pas et n'est pas en accord avec elle, et qu'elle ne soit contrainte de rester dans une situation déprimante et en grande difficulté. Et si les deux se séparent, Allah, de par sa largesse, accordera à chacun d'entre eux un autre destin. Ensuite, l'auteur a dit, rahimahullah, al-mithalu at-tasi', le neuvième exemple, ma shara'ahu Allah wa rasuluhu. Ce qui a été légiféré par Allah et son messager comme droit entre les créatures et qui comporte la droiture, le bien, la bienfaisance, la justice, l'intégrité et le délaissement de l'injustice. وَكَذَلِكَ الْحُقُوقُ الَّتِي أَوْجَبَهَا وَشَرَعَهَا لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَوْلَادِ وَالْأَقَارِبِ وَالْجِيرَانِ وَالْأَصْحَابِ وَالْمُعَامِلِينَ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ. De même, concernant les droits qu'il a imposés et légiférés envers les parents, les enfants, les proches, les voisins, les compagnons, les employés et pour chacun des deux époux l'un envers l'autre. وكلها حقوق ضروريات وكماليات تستحسنها الفطر والعقول الزاكية وتتم بها المخالطة وتتبادل فيها المصالح والمنافع بحسب حال صاحب الحق ومرتبته. Et tous ces droits sont des nécessités et des besoins complémentaires que les natures saines et les raisons intelligentes trouvent bénéfiques. Et ils permettent de se mélanger, d'échanger des intérêts et des bénéfices, et ce, en fonction de la situation et de la place de celui à qui revient le droit. Ma yushhiduka anna hadhihi shari'ata kafilatun bi sa'adati ad-darayn. Et à chaque fois que tu méditeras sur ceci, tu verras en eux le bien et la dissipation du mal, et tu y trouveras, parmi les intérêts généraux et particuliers, ainsi que de l'affinité et de la bonne compagnie, ce qui te fera attester que cette législation suffit pour le bonheur dans les deux demeures. ترى فيها هذه الحقوق تجري مع الزمان والمكان والأحوال والعرف وتراها محصلة للمصالح حاصلا فيها التعاون التام على أمور الدين والدنيا جالبة للخواطر مزيلة للبغضاء والشحناء وهذه الجمل تعرف بالاستقراء والتتبع لها في مصادرها ومواردها. Et tu verras que ces droits sont valables à chaque époque, dans chaque endroit, dans toute situation et selon toute coutume. Tu les verras obtenir des bénéfices tout en obtenant de l'entraide complète dans les affaires de la religion et de la vie mondaine, et en l'important de bonnes pensées. De même, ils dissipent l'animosité ainsi que l'hostilité. Et certes, tout ce qui vient d'être mentionné est connu en lisant et en étudiant les textes dans leur ensemble, là où ils se trouvent et sont présents. Ensuite, l'auteur a dit, rahimahullah, al-mithalul ashir, le dixième exemple, ما جاءت به الشريعة من انتقال المال والتركات بعد الموت وكيفية توزيع المال على الورثة. Ce avec quoi la législation est venue, comme transmission des biens et des héritages après la mort, ainsi que la manière de partager les biens entre les héritiers. وقد أشار تعالى إلى حكمة ذلك بقوله. Et certes, il a indiqué la sagesse de cela dans sa parole ta'ala. La tadrun ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Vous ne savez pas qui est plus proche de vous en utilité. Fawada'aha Allah bi nafsihi bi hasabi ma ya'lamuhu min qurb an-naf'i wa ma yuhibbu al-'abdu 'adatan an yasila ilayhi malu wa ma huwa awla bi birrihi wa fadlihi. مُرَتِّبًا ذَلِكَ تَرْتِيبًا تَشْهَدُ الْعُقُولُ الصَّحِيحَةُ بِحُسْنِهِ. Allah, tabaraka wa ta'ala, a donc révélé lui-même la manière de partager, et ce, de par sa science de ce qui est le plus profitable, de ce que le serviteur souhaite généralement pour la transmission de ses biens, et également celui qui est le plus en droit de profiter de sa bonté et de sa grâce. وأنه لو وكل الأمر إلى آراء الناس وأهوائهم وإرادتهم لحصل بسبب ذلك من الخلل والاختلال وزوال الانتظام وسوء الاختيار ما يشبه الفوضى. Et certes, s'il avait laissé ceci aux gens, selon leurs avis, leurs passions et leurs souhaits, cela aurait entraîné des défauts, des anomalies, la dissipation du bon ordre, et les mauvais choix qui feraient de cela une ressemblance au grand désordre. وَجَعَلَ الشَّارِعُ لِلْعَبْدِ أَنْ يُوصِيَ فِي جِهَاتِ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فِيمَا يَنْفَعُهُ لِآخِرَتِهِ. Et le législateur a autorisé au serviteur de faire une recommandation ou un testament afin qu'une partie de ses biens soit donnée dans ce qui lui sera profitable pour sa vie de l'au-delà. وقيد ذلك بالثلث فأقل لغير وارث لئلا تصير الأمور التي جعلها الله قياما للناس ملعبة يتلاعب بها قاصر العقول والديانة عند انتقالهم من الدنيا. Et il a limité cela au tiers ou moins pour autre que les héritiers. Et ce, afin que les affaires qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposées pour le bien des gens ne deviennent pas un jeu duquel se servent les faibles de raison et de religiosité en quittant ce bas monde. أما حالهم في حالة صحة الأجسام والعقول فيما يخشونه من الفقر والإفلاس مانع من صرفه فيما يضرهم غالبا. Quant à leur situation, lorsqu'ils sont en bonne santé mentale et physique, eh bien, généralement, leur peur de la pauvreté et d'être ruinés les empêche de dépenser leurs biens de manière qui leur est nuisible. Ensuite, le 11e exemple mentionné par l'auteur, rahimahullah, est le suivant. ما جاءت به الشريعة الإسلامية من الحدود وتنوعها بحسب الجرائم. La législation de l'islam est venue avec différentes peines légales prescrites en fonction des crimes et des délits. وهذا لأن الجرائم والتعدي على حقوق الله وحقوق عباده من أعظم الظلم الذي يخل بالنظام ويختل به الدين والدنيا. Et ce, car les crimes et les transgressions des droits d'Allah et des droits des serviteurs font partie des plus grandes injustices qui nuisent et perturbent le système ainsi que les affaires religieuses et mondaines. فوضع الشارع للجرائم والتجريات حدودا تردع عن مواقعتها وتخفف من وطئها. Le législateur a donc légiféré pour les crimes et les délits des peines légales qui dissuadent de les commettre et diminuent leur présence. وكلها فيها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة ما يعرف به العاقل حسن الشريعة وأن الشرور لا يمكن أن تقاوم وتدفع دفعا كاملا إلا بالحدود الشرعية التي رتبها الشارع بحسب الجرائم قلة وكثرة وشدة وضعف. Et tous comportent des intérêts et des bénéfices particuliers et généraux par lesquels le doué de raison reconnaîtra la beauté de cette législation. Et il sera que les maux ne peuvent être repoussés et combattus de manière totale qu'avec les peines légales que le législateur a imposées en fonction des crimes, de leur nombre et de leur gravité. Ensuite, le shir a dit, rahimahullah, Al-Mithal al-Thani Ashar, le 12e exemple, ما جاءت به الشريعة من الأمر بالحجر على الإنسان عن التصرف في ماله إذا كان تصرفه مضرا به أو بغيره. La législation a ordonné de restreindre l'accès à ses biens à la personne qui agit avec son argent de manière nuisible pour sa personne ou pour les autres. وذلك كالحجر على المجنون والصغير والسفي ونحوهم والحجر على الغريم لمصلة غرمائه. Comme par exemple le fait de restreindre l'accès à son argent à la personne atteinte de folie, aux petits enfants, aux gaspilleurs et autres, et également à celui qui est endetté et ce, dans l'intérêt de ceux à qui il doit de l'argent. وكل هذا من محاسن الشريعة حيث منعت الإنسان من التصرف في ماله الذي كان في الأصل مطلق التصرف فيه. Et tout ceci fait partie des vertus de la législation qui empêcha la personne de faire ce qu'elle souhaite avec ses biens et qui, à la base, en avait pleinement le droit. ولكن لما كان تصرفه ضرره أكثر من نفعه وشره أكبر من خيره حجر عليه الشارع حجرا للتصرفات في ميدان المصالح وإرشادا للعباد أن يسعوا في كل تصرف نافع غير ضار. Cependant, lorsque sa liberté totale de dépenser est plus nuisible pour lui que profitable, et que le mal de cela est plus grand que le bien, alors, dans ce cas, le législateur lui a restreint l'accès à ses biens afin qu'il les dépense seulement dans ce qui lui est profitable, et également pour orienter les serviteurs dans le fait de dépenser leur argent de manière bénéfique et non pas nuisible. Voici donc, pour ce qui est du 12e exemple, de la perfection et des vertus de cette noble religion. Ensuite, le 13e exemple, ma ja'at bihi shari'atu min mashru'iyyati al-wathaiq التي يتوثق بها أهل الحقوق. La législation a légiféré d'inscrire des documents officiels et ce afin de préserver le droit des ayants droit. وذلك كالشهادة التي تستوفى بها الحقوق وتمنع التجاحد ويزول بها الارتياب. Comme par exemple les attestations permettant de remplir les droits, d'empêcher de les renier et dissipant le doute. وكالرهن والضمان والكفالة التي إذا تعذر الاستيفاء ممن عليه الحق رجع صاحب الحق إلى الوثيقة التي يستوفى منها. De même pour le rahn, la garantie et la tutelle. Et donc, s'il n'est pas possible de récupérer le droit à celui qui en est redevable, la personne pourra revenir au document afin de récupérer son droit. ولا يخفى ما في ذلك من المنافع المتنوعة وحفظ الحقوق وتوسيع المعاملات وردها إلى القسط والعدل وصلاح الأحوال واستقامة المعاملات. Et les différents bénéfices que cela comporte sont apparents, tout comme la préservation des droits, l'élargissement des transactions, le fait de les ramener à la justice et à l'équité, et tout comme cela comporte également la droiture des affaires et l'intégrité des transactions. فلولا الوثائق لتعطل القسم الأكبر من المعاملات فإنها نافعة للمتوثق ونافعة لمن عليه الحق من وجوه متعددة معروفة. S'il n'y avait pas les certificats, de nombreuses transactions ne pourraient pas être effectuées. Ils sont donc très bénéfiques pour les deux parties du contrat, et ce, pour de nombreuses raisons qui sont certes connues. ثم قال رحمه الله المثال الرابع عشر, le 14e exemple, ما حث الشارع عليه من الإحسان الذي يكسب صاحبه الأجر عند الله والمعروف عند الناس ثم يرجع إليه ماله بعينه أو بدله فيكون مكسب هذا النوع أجل المكاسب دون أن يلحق صاحبه ضرر. Le législateur a encouragé à la bienfaisance. La bienfaisance qui apporte à son auteur la récompense auprès d'Allah et le bien auprès des gens. Et puis ensuite, son argent lui reviendra en personne ou bien son équivalent. Et donc, ce qu'il a gagné avec cela fait partie des meilleurs gains, et ce, sans qu'aucune nuisance ne lui parvienne. وذلك كالقرض والعارية ونحوهما. Comme par exemple le fait de prêter et autres. فإن في ذلك من المصالح وقضاء الحاجات وتفريج الكربات وحصول الخير والمبرات ما لا يعد ولا يحصى. Et ce, car ceci comporte des bénéfices, le fait de remplir le besoin, de soulager des angoisses et d'apporter le bien de manière indénombrable. وصاحبه يرجع إليه ماله، وقد استفاد من ربه أجرا جزيلا، وبذل عند أخيه إحسانا جميلا، مع ما يتبع ذلك من الخير والبركة وانشراح الصدر وحصول الألفة والمودة. Et celui qui fait un prêt, eh bien, son argent lui reviendra, et il aura également profité d'une récompense venant de son Seigneur, tout en ayant été bénéfique envers son frère. Et également, tout ce qui en découle, comme bien, comme bénédiction, comme épanouissement de la poitrine, comme amour et communion. وأما الإحسان المحض الذي يعطيه صاحبه مجانا ولا يرجع إليه فقد تقدمت الإشارة إلى حكمته في الزكاة والصدقة. Quant à la bienfaisance que la personne donne gratuitement sans qu'elle ne lui revienne, eh bien, certaines de ces sagesses ont déjà été évoquées dans le passage parlant de la zakat et des aumônes. Ensuite, le 15e exemple, et qui est le dernier que nous allons mentionner dans ce cours, Inch'Allah, est le suivant. Al-usulu wal-qawa'idu allati ja'alaha al-shari'u ususan li fasli al-khusumat wa hilli al-mushkilat wa tarjih ahad al-mutada'iyayn 'ala al-akhar. Les fondements et les règles que le législateur a imposés pour départager les conflits, pour régler les problèmes et pour faire prévaloir une des deux parties sur l'autre. فإنها أصول مبنية على العدل والبرهان وأطراد العرف وموافقة الفطر. Et ces fondements sont certes basés sur la justice, sur les preuves, les traditions correctes, et ils sont en accord avec la nature saine. فإنه جعل البينة على كل من ادعى شيئا أو حقا من الحقوق فإذا أتى بالبينة التي ترجح جانبه وتقويه ثبت له الحق الذي ادعى به. Il a donc imposé la preuve à tous ceux réclamant une chose ou un parmi les droits. Et donc, s'il apporte une preuve, renforçant et faisant prévaloir sa parole, eh bien, le droit qu'il réclame lui reviendra. ومتى لم يأتي إلا بمجرد الدعوة حلف المدعى عليه حق. Par contre, s'il n'apporte pas de preuve, alors celui qui est accusé de devoir un droit aura simplement à jurer que ceci n'est pas exact. وجعل الشارع البينات بحسب مراتب الأشياء وجعل القرائن المبينة والعرف المضطرد بين الناس من البينات. Et le législateur a classé les preuves en fonction des choses, et il a placé parmi les preuves les indices clairs ainsi que les habitudes constantes et permanentes. فَالْبَيِّنَةُ إِسْمٌ لِكُلِّ مَا يُبَيِّنُ الْحَقَّ وَيَدُلَّ عَلَيْهِ. الْبَيِّنَة, la preuve, est donc un nom qui englobe tout ce qui éclaircit la vérité et mène à celle-ci. وَجَعَلَ عِنْدَ الْإِشْتِبَاهِ وَتَسَاوِي الْخَصْمَيْنِ طَرِيقَ الصُّلْحِ الْعَادِلِ الْمُنَاسِبِ لِكُلِّ قَضِيَّةٍ طَرِيقًا إِلَى حِلِّ الْمُشْكِلَاتِ وَالْمُنَازَعَاتِ. De même, lors des affaires ambiguës, et lorsque les arguments des deux parties sont équivalents, eh bien, le législateur a ouvert la voie à la réconciliation, juste et en accord selon chaque affaire, et ce comme voie pour régler les problèmes et les conflits. فكل طريق لا ظلم فيه ولا يدخل العباد في معصية الله وهو نافع لهم فقد حث عليه إذا كان وسيلة إلى فصل الخصومات وقطع المشاجرات. Et donc, toute voie ne comportant pas d'injustice, ne faisant pas tomber les serviteurs dans la désobéissance à Allah et qui est profitable pour eux, alors il l'a encouragé si cela est un moyen de régler les conflits et de couper les discordes. وَسَاوَى فِي هَذَا بَيْنَ الْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ وَالرَّئِيسِ وَالْمَرْؤُوسِ فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ. Et il a fait que le fort et le faible, le dirigeant et le dirigé, soient égaux dans l'ensemble des droits. وَأَرْضَ الْخُصُومَ بِسُلُوكِ طُرُوقِ الْعَدْلِ وَعَدَمِ الْحَيْفِ. Et il a gagné l'agrément des différentes parties du conflit, et ce, en empruntant la voie de la justice et en ne faisant pas de favoritisme ni d'injustice. Voici donc pour ce 15e exemple, et nous allons nous arrêter ici pour le cours d'aujourd'hui, et dans lequel certains exemples de la perfection et des vertus de cette noble religion étaient mentionnés de manière résumée, et qui concerne plus particulièrement la manière dont la religion a préservé les droits des serviteurs de manière juste dans chaque chose et chaque affaire. Et dans le cours suivant, nous finirons, bi'idhnillah, de traduire les exemples que le shir a mentionnés, rahimahullah. Qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous accorde une science profitable et nous aide à œuvrer selon celle-ci. Hada, wallahu a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad.